Activité 5, page 79. Piste 61. 1. Le soleil. 2. Le vent. 3. Les nuages. 4. La pluie. 5. La neige. 6. L'orage.